Une fameuse journée. Tous les ans, vers les fêtes de Noël, le père Forster de Dorkheim, l'ancien garde forestier, allait, avec l'autorisation de monsieur le baron de Dorkheim, couper de jeunes arbres verts dans les bois de Zornwinkel. Il les vendait ensuite aux gens du village pour faire des arbres de Noël. C'était une sorte de petite rente que faisait monsieur le baron au père Forster, en reconnaissance de je ne sais plus quel service. Quand le père Forster mourut, ce fut son fils Otto qui monta au bois de Zornwinkel à sa place. Otto était tout jeune, mais il était plein d'intelligence et de courage, et les amateurs d'arbres de Noël continuèrent à s'approvisionner chez la mère Forster. Cette année-là, le petit Frédéric, qui donnait de la satisfaction à monsieur l'instituteur, devait accompagner son frère pour la première fois. Depuis 8 jours, il ne parlait plus que de cette expédition, et la veille au soir, il s'endormit avec l'idée fixe qu'on oublierait de le réveiller. Quand le vieux coucou se mit à sonner 5 heures du matin, l'obscurité la plus profonde régnait dans la chambre à 2 lits. Otto avait clos hermétiquement le volet intérieur de la fenêtre, car il gelait dur. Frédéric fit un saut de carpe dans son petit lit et se réveilla en sursaut. Il se frotta les yeux et, ayant constaté qu'il faisait nuit, essaya de se rendormir. Ah bien oui, se rendormir. Et tous les projets qu'il avait dans la tête, et tous les efforts d'imagination qu'il faisait pour se figurer les merveilles et les mystères de la forêt silencieuse. Et l'espérance qu'il avait conçue depuis qu'il était question du projet de savoir enfin par lui-même ce que deviennent les petits oiseaux pendant l'hiver. Le coucou sonna 6 heures aussi tranquillement, aussi lentement que si cette journée devait être semblable à toutes les autres. On voyait bien qu'il n'allait pas en forêt, lui, le vieil égoïste. Et si le jour n'allait pas paraître du tout ? « Je vois bien, soupira Frédéric, que le jour ne paraîtra jamais. » Là-dessus, il leva un peu la tête et appela tout doucement « Otto ». Et puis il ajouta plus fort « Otto, dors-tu ?» Un grognement partit du grand lit et une voix endormie prononça ces mots « J'ai le nez gelé ». Frédéric, ayant renouvelé son appel, la voix endormie marmotta des mots sans suite. « Petit drôle insupportable, on mènerait pas dans la forêt si... » Le petit drôle fut si effrayé de ce « si » conditionnel suspendu sur sa tête qu'il se mit à pleurer et finit par s'endormir de désespoir. Quand il se réveilla, il faisait grand jour. Il sauta à bas de son lit, courut nu-pieds à la fenêtre et, ayant vu avec ravissement que la neige n'était pas fondue et qu'elle n'avait nulle envie de fondre, il se refourra précipitamment sous ses couvertures, car le froid était vif et piquant. Ayant décidé ce qu'il voulait faire, il sauta de nouveau à bas de son lit, et prenant rapidement à brasser tous ses vêtements, il se précipita en chemise par l'escalier de bois et alla se blottir derrière le poêle de la salle d'en bas. La mère Forster se mit à rire en l'embrassant et lui dit « Ah ah, mon gaillard, tu connais les bons coins !» Quel bon coin, en effet, pour s'habiller en flânant. Le poêle grondait avec une sorte de joie féroce en dévorant les bûches. La soupe aux choux fumait sur la table. Pato, le vieux chien écourté, sommeillait, le museau posé sur ses pattes de devant. « Oh, le paresseux !» cria Frédéric en lui effleurant le bout du nez avec son gilet qu'il tenait à la main. Pato entr'ouvrit les yeux avec un regard de reproche. Ce regard disait éloquemment « Si tu étais obligé de tirer le traîneau comme moi, tu ne serais pas si allègre. » Enfin, enfin, après plusieurs siècles d'attente, le déjeuner est expédié. Otto en a fini de tourner autour de son traîneau et de harnacher Pâteau. Grêle est prête. Allons bon, la voilà qui s'attarde encore pour embrasser la petite sœur et pour mettre dans sa poche une bouteille plate en osier. Vraiment, il s'agit bien de bouteilles. En route, pour l'amour de Dieu, en route! Les enchantements de Frédéric commencèrent au seuil même de la porte. N'était-ce pas déjà un plaisir que de fouler cette bonne neige qui craquait sous le pied, que de se dire en voyant les petits garçons qui aplatissaient leur nez contre les vitres pour le voir passer, « Tu vas demeurer toute la journée enfermé, toi, le nez sur le poil et la tête lourde. Moi, je vais respirer là-haut le bon air. Moi, je vais en forêt avec Otto et Gredel. » Est-ce en restant planté sur un escabeau que l'on peut avoir l'idée de l'éclat des baies rouges dans les buissons à moitié couverts de neige? Un serin dans une cage a-t-il la moindre ressemblance avec ces jolis oiseaux bruns qui filent comme des flèches d'une haie à l'autre, qui vous guettent et avant de repartir vous dévisagent de leurs yeux noirs et brillants? Vous faites un pas de trop, les voilà envolés avec un petit battement de queue moqueur qui semble vous dire « Tu ne m'attraperas pas !» Et ce merle, où donc ? Parti, un éclair et puis plus rien. Alors, tu ne l'as pas vu ? Non. Ah, eh bien, la première fois que je l'apercevrai, je lui mettrai 3 grains de sel sous la queue pour l'arrêter et te le montrer. Frédéric ne croit plus depuis longtemps à l'efficacité des 3 grains de sel sous la queue pour arrêter un oiseau. Il rit de la plaisanterie, quoiqu'elle ne soit ni bien neuve ni bien piquante, et les deux autres rient de le voir rire. Que voulez-vous? Il n'y a rien comme ce bon air des champs pour vous donner envie de rire. Si Frédéric fut resté 10 ans à la fenêtre à regarder les corbeaux qui volent sans cesse autour du clocher, en serait-il aussi long sur leur compte qu'il vient d'en apprendre en un clin d'œil? Non, non, ne le croyez pas. Il les voit de ses propres yeux dans ce champ là-bas à gauche, où il y a un grand arbre avec une boule de gui, écarter la neige avec leurs pattes et fouiller la terre avec leur bec pour y chercher leur pâture. Qu'on ne vienne plus lui dire maintenant que ces messieurs vivent de l'air du temps et que quand ils partent du clocher par bande avec de grands cris et se dirigent vers la campagne, c'est uniquement pour respirer l'air et admirer le paysage. Le bois n'a pas du tout l'aspect que Frédéric s'était imaginé. Il croyait que ce serait plus noir. « Patience, répondit Otto, nous ne sommes qu'à la lisière. » En effet, voilà le vrai bois qui commence. Les branches forment des réseaux semblables à des filets de pêcheurs. Des bouquets de feuilles rousses frissonnent sur les chaînes. Voici des fourrés bien épais. Qu'est-ce qui a filé là, à gauche ? C'est peut-être un loup, se dit Frédéric. Un loup dans un bois, cela n'aurait rien d'étonnant. Le loup, ou si vous aimez mieux, ce qui aurait pu être un loup, a disparu. Maintenant que le danger est passé, Frédéric donnerait tout au monde pour pouvoir dire que c'est un loup. Quelle aventure à raconter à ceux qui se grillent les jambes devant le poêle ! Malheureusement, Otto et Gredel se moquent de lui et de son loup. Ce loup entrevu l'avait grandi subitement à ses propres yeux. Subitement, il redevient tout petit. Voilà la sapinière. Otto joue de la hache, et même, il en joue fort bien. Frédéric tire son couteau de sa poche et s'attaque à un arbre nain. Y a-t-il assez longtemps qu'il médite ce projet et qu'il aiguise son couteau? Mais il n'a pas si facilement raison de l'arbre nain qu'il l'avait espéré. Ses mains deviennent brûlantes et se couvrent à l'intérieur de cloches et d'ampoules. Demandez-lui pour voir s'il a froid. Froid, lui? Il est en nage. Ce serait le moment de boire un petit coup pour se réconforter si, à point nommé, la prévoyante Gredel tire la bouteille plate de sa poche. Et doucement, Frédéric, c'est du vin pur. Le traîneau a sa charge. Pateau tire à plein collier. Otto le seconde en s'attelant à un bout de corde. Gredel donne la main à Frédéric, qui traîne un peu la jambe et refuse d'en convenir, s'offrant à recommencer toute la course avec un secret espoir de n'être pas pris au mot. Il porte sous le bras gauche l'arbre nain, pris de tant de peines et d'efforts. L'arbre nain rappelle beaucoup, par la forme et le volume, un grand plumeau à épousseter les meubles qui ne seraient plus de la première jeunesse. Plumeau ou non, il compte en faire un arbre de Noël pour sa petite sœur. Il accrochera aux branches, premièrement, une pipe en sucre rouge qui date de la dernière foire. Elle est en parfait état de conservation, sauf une sorte d'amollissement général produit par l'humidité. Deuxièmement, un lot d'images d'épinal et de messe, violemment coloriées et faites pour charmer les regards d'une jeune personne de 4 ans. Troisièmement, une noix dorée ayant contenu différents articles de mercerie. Les articles de mercerie avaient disparu longtemps avant de devenir la propriété de Frédéric. Il espère que sa petite sœur, trompée par les apparences, se contentera de la noix dorée. Quatrièmement, pour l'éclairage, 7 bouts de cierge de longueurs inégales, donnés à lui, Frédéric, en signe d'amitié et d'estime, par le tourneux qui est enfant de cœur, plus 3 allumettes de cire trouvées au fond d'une vieille boîte. Gredel n'a garde de rire des projets de Frédéric. Au contraire, elle les encourage de son mieux. L'arbre de Noël sera ce qu'il pourra. Il ne restera pas moins prouvé que Frédéric est un brave petit garçon. Otto voit avec plaisir apparaître les premières maisons du village. Il déclare en riant que la corde lui coupe l'épaule et qu'il est grandement temps que cela finisse. Pateau ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Lorsqu'un régiment fait son entrée dans une ville, au retour d'une glorieuse expédition pleine d'épreuves et de périls, les soldats se redressent, dissimulent leur fatigue et tendent le jarret en marchant. C'est ainsi que Frédéric traversa le village, la tête haute, le jarret tendu, portant son arbre nain bien en évidence. Il manquait quelque chose à son triomphe, mais après tout, ce n'était pas sa faute si le loup de tantôt n'était pas un loup. Ouf, il n'était que temps d'arriver. Mais en présence du poêle qui ronflait plus fort que jamais, de la nappe blanche sur laquelle le couvert était déjà mis, Frédéric trouva qu'il n'est pas de bonheur comparable à celui d'être harassé, à moitié gelé et complètement affamé. Aussi, quel festin et quelle somme! Quand le vieux coucou sonna 7 heures du soir, Frédéric était déjà parti pour le pays des songes. Il voyait en rêve un loup étrange qui avait des oreilles de lièvre, une queue de chat, et autour du cou un collier de baies d'églantier. Quand le coucou sonna 6 heures du matin, Frédéric ne songeait guère à demander à Otto s'il dormait. Depuis, il répète continuellement « Quelle fameuse journée ! Otto, tu m'emmèneras encore avec toi dans la neige ?» Il rirait bien si on lui disait qu'il y a des enfants qui s'ennuient.